Oui, alors, dans l'ordre des nouvelles et des suites de la première saison du séminaire, je voulais tout d'abord noter le fait que nous avons toujours eu pour objectif, en faisant ce séminaire, d'accélérer, d'impulser, de diversifier la collecte d'archives, la sauvegarde des vidéogrammes produits à l'époque qui intéresse le séminaire, la sauvegarde également d'archives papier qui permettront d'éclairer, de contextualiser ces productions, et l'entrée d'appareils également dans les collections patrimoniales. L'an dernier, Yvonne Mignot-Lefebvre et Michel Lefebvre ont fait don à la BNF, on vous en avait parlé, de leurs archives papier. Ces archives papier, qui représentent 36 boîtes, ont été inventoriées, classées par Camille Lan dans le cadre du... grâce à l'aide du LABEX. Et vous trouvez aujourd'hui sur BNF Archives et Manuscrits une première version, mais à peu près définitive, de l'inventaire d'archives. Donc ça, c'est la description globale, mais vous avez effectivement l'accès à un certain nombre à une description précise, pièce à pièce, du fond, avec des dossiers d'archives concernant pratiquement toutes les vidéos produites par Vidéo 00, qui est, faut-il le rappeler, un des premiers collectifs vidéo légère en France. Donc ces documents inventoriés pièce à pièce, ils sont consultables à la BNF dorénavant sur rendez-vous à partir de... en se fondant sur les cotes effectivement de l'inventaire. Cet inventaire qu'on peut ainsi déplier depuis la vue d'ensemble sur le fond jusqu'à des dossiers précis. On peut aussi l'interroger en allant donc sur archives-et-manuscrits.bnf.fr, en posant sa question, en faisant une recherche dans le formulaire de recherche. Voilà. C'est donc au département de l'audiovisuel, et plus spécifiquement dans les archives audiovisuelles et multimédia, le deuxième grand fonds d'archives papier qui fait l'objet d'un inventaire détaillé. D'autres suivront, mais on se réjouit qu'il se soit écoulé seulement quelques semaines, en fait, entre le don de ces archives et la publication de leur inventaire. C'est quelque chose qu'on souhaite bien évidemment poursuivre si vous ou des personnes que vous connaissez souhaitent faire don de leurs archives sur la vidéo légère à la Bibliothèque nationale de France. Ça concerne la documentation papier, ça concerne aussi les appareils, puisqu'on a une collection d'appareils qu'on souhaite enrichir en appareils vidéo légère. Elle est encore un peu légère, cette collection, de ce côté-là. C'est également le cas, bien sûr, du côté des vidéogrammes. On en a déjà parlé l'année dernière. Nous avons la possibilité matérielle et technique de numériser un grand nombre de formats et de bandes dans des états relativement dégradés, ou supposément relativement dégradés, ou en tout cas obsolètes, avec des résultats de plus en plus satisfaisants au fil du temps. Voilà, alors on évoquera tout à l'heure la question de la patrimonialisation des vidéogrammes avec Marie-France Callas. Je ne brûle pas les étapes, mais il nous paraissait, je le dis tout de suite, qu'il nous paraissait essentiel pour cette première année de démarrer aussi en interrogeant justement l'histoire du rapport de la Bibliothèque nationale de France avec la question de la patrimonialisation de la vidéo. Sébastien, oui. À toi. Oui, alors comme l'a indiqué Hélène tout à l'heure en introduction, nous avons choisi cette année cette thématique qui pose la question du rapport entre revendication d'autonomie et inscription institutionnelle. Alors nous avons souhaité en introduction revenir sur deux points qui correspondent au fond aux avancées qu'a pu permettre le séminaire l'année dernière. Tout d'abord sur la question du collectif, le travail de création collective, c'était un des points effectivement marquants du thème de l'année dernière, et revenir sur la question également de la chronologie, de la séquence historique qui nous intéresse ici. Vous avez peut-être pu constater cette année que nous n'avons pas choisi de définir clairement la période sur laquelle on va travailler, précisément parce qu'on a pu constater effectivement que les bornes sont assez floues. On peut effectivement repérer certaines tendances, mais on a voulu également se poser des questions de ce point de vue. Alors tout d'abord, sur la question du collectif, l'objectif cette année, c'est d'approfondir cette étude du collectif militant sous un angle différent, sous des angles différents, donc ce rapport entre autonomie et institution. La première année, comme l'a dit Hélène, était consacrée aux pratiques militantes de la vidéo et aux collectifs qui les avaient inaugurés. Nous avions commencé l'année dernière le séminaire en évoquant les états généraux du cinéma en mai 68, et au fond la ligne qui avait pu être définie au lendemain des événements, où la question du collectif avait été clairement posée. En mai 68, les états généraux du cinéma, donc, qui incarnaient la mobilisation des gens d'image, avaient choisi comme mot d'ordre « Par ailleurs, le cinéma est une arme », reprenant la formule célèbre d'André Malraux en la détournant. Ce qui est intéressant en se penchant dans les textes d'époque, donc les brochures des états généraux du cinéma, donc qui ont été publiées au mois de juin, à l'été 68, puis ensuite au début de l'année 69, c'est qu'elles tentent précisément de définir plus clairement cette ligne, et notamment l'utilisation des films comme armes de lutte politique et comme base d'échange d'expériences politiques. Je reprends là des termes d'époque. Ce qui est intéressant également, c'est combien elles mettent en avant cette dimension collective en voulant garantir la propriété collective des films et en souhaitant ne retirer aucun avantage financier de leur diffusion. Alors cette question du collectif, elle est clairement posée dans le troisième bulletin des états généraux du cinéma. Je cite « Le terme « équipe » englobe aussi bien les techniciens de cinéma que les travailleurs, étudiants, protagonistes qui ont permis la réalisation de ces films à un titre ou à un autre. La diffusion de ces documents ne peut et ne doit être que le prolongement de cet engagement politique. » Alors cette question du collectif, elle court tout au long des années 70 en proposant justement des processus, on pourrait dire, alternatifs de création. Le collectif remettant en question les hiérarchies professionnelles, signant également la fin de la division du travail entre équipe artistique et équipe technique. De la même manière, l'identité, la paternité morale et juridique de l'œuvre cinématographique sont remises en question. Ce qu'on a pu voir l'année dernière, c'est qu'effectivement, le collectif met aussi en jeu un certain nombre de réseaux, des échanges nombreux, des circulations d'hommes, d'images, une économie souterraine fondée sur le bénévolat, la récupération, le détournement, des pratiques alternatives, y compris jusqu'à la diffusion, et on pourrait dire aussi des stratégies de positionnement par rapport aux institutions en place, notamment la question de la censure. Pour ces collectifs, là encore, des modèles historiques existent. Libérer le cinéma de la censure et des puissances de l'argent, c'est effectivement des modèles qui sont évoqués. On peut penser à la coopérative du cinéma du peuple en 1913-1914 ou à la coopérative Cinéma Liberté durant la période du Front Populaire. Ces questions d'autofinancement, d'autosuffisance, de coopération, de souscription populaire, là encore on les retrouve dans les années 70. Ici même l'année dernière, Serge Polchinski avait montré comment le grain de sable, donc ce collectif, avait justement repris le modèle de la souscription populaire pour financer un certain nombre de films. Alors, le collectif amène également une série de questionnements. Et la première, au fond, d'entre eux, c'est effectivement considérer que le collectif apparaît plutôt, au fond, sur la période comme un modèle, mais le collectif présente différents visages. Des profils, des moyens, des orientations, des pratiques différentes et des visages également changeants sur la période. Des dénominations, des compositions, des objectifs même dissemblables selon les luttes sociales et selon les luttes politiques en cours. Alors cela nous a amené au fond à trois points que l'on aimerait prolonger cette année. Tout d'abord, au fond, la volonté d'éviter une approche un peu trop globalisante du collectif. D'où la nécessité sans doute aussi de mettre en avant le vécu concret au fond de ces collectifs et des membres qui ont participé. Deuxième question qui nous a paru aussi importante, sans la surestimer ni non plus déformer la réalité, ne pas négliger non plus la question de l'auteur, qui nous semble aussi une question aussi permanente sur la période et continue. Et enfin, le troisième point, donc ça rejoint la thématique de cette année du séminaire, repenser cette question aussi de l'autonomie du collectif, en tout cas dans des liens multiples, des liens permanents qui sont entretenus avec l'institution, au sens d'institutionnalisation progressive, mais aussi peut-être de liens plus souterrains, moins avoués ou peut-être moins conscients, qui peuvent être entretenus également avec l'institution, d'où le choix de la thématique de cette année. Alors, le deuxième point porte sur la question de la chronologie, dont j'en disais quelques mots tout à l'heure. L'année dernière, nous avions un peu balisé la période en évoquant la période 68-81, donc visant justement à inscrire les mouvements de contestation apparus au lendemain de mai 68 dans une temporalité plus longue, plus complexe. On rejoignait ici plutôt la façon dont un certain nombre d'historiens ont pu justement envisager cette période. On peut penser justement à Pascal Horry, à l'expression « L'entre-deux-mai », son ouvrage de 83, « L'entre-deux-mai », histoire culturelle de la France, mai 68, mai 81, avec deux dates là aussi symboliques fortes. Ou bien l'expression qui a été là aussi souvent reprise, qu'on doit à un sociologue Bernard Lacroix, qui est l'expression « année 68 », qui sera reprise notamment dans l'ouvrage collectif « Année 68, le temps de la contestation », qui a été publié aux éditions Complex en 2000. Alors on voit effectivement qu'on calque ici la période plutôt sur une chronologie politique, au fond, hein, de propre à la France, mais c'est effectivement, on pourrait croiser cela avec d'autres espaces. Alors, du point de vue du cinéma militant, sur le plan de la chronologie, le début des années 80 ouvre vers une période de transition. Et c'est vrai que cette année, en préparant les séances, ça a été beaucoup plus difficile de baliser cette période, de clôturer au fond la séquence historique sur laquelle on souhaitait travailler. Alors cette période de transition, elle est marquée, ce sont là plutôt on pourrait dire des pistes, hein, d'abord par un essoufflement des dynamiques militantes qui s'observent dès la fin des années 70 et le début des années 80, l'engagement défendu par un cinéma progressiste, collectif, perd de son évidence, et la date effectivement de 81 qui marque le changement de majorité politique, l'arrivée de la gauche au pouvoir, est une césure notable. Deuxième point, on pourrait dire une démobilisation progressive aussi du circuit associatif. Là encore, je ferai référence au collectif du Grain de Sable, qui, du point de vue du cinéma militant, montre bien ce moment de basculement. En 1981, le Grain de Sable a pu racheter, acquérir par souscription, une salle de cinéma, le studio Saint-Séverin, qui est aussi une salle de cinéma historique du point de vue du cinéma politique. Le 10 mai 81, donc là aussi une date importante, Iskra avait organisé la nuit blanche pour un cinéma rouge, donc était tenté là aussi de marquer ce moment. Au lendemain du mois de mai 81, Jean-Michel Carré fera le constat d'une chute de fréquentation dans cette salle du Saint-Séverin, et il y verra d'ailleurs le signe d'un changement. Je le cite, « Les salles ARSC abandonnent les documentaires politiques, les comités d'entreprise ne demandent plus nos films, le circuit associatif est démobilisé. Faute de public, ce dernier pense que grâce à la gauche tout va changer, nous cessons momentanément de faire des films d'intervention sociale. » Donc c'est une deuxième piste. Troisième piste, l'idée effectivement qu'un certain nombre de groupes vont disparaître au début des années 80 et d'autres vont se professionnaliser. Alors, nous avons l'hypothèse effectivement que dans ces années 80, on assiste peut-être à un alourdissement de la vidéo par rapport à la vidéo légère des années 70. De la même façon, on assiste aussi à une nouvelle génération de producteurs qui sont pour la plupart aussi issus d'anciens groupes ou collectifs militants de la période qui vont progressivement amener vers la reconnaissance du cinéma documentaire. Pensez aux films d'ici, aux films du village, les films du Grain de Sable, Iskra, qui ont tous une histoire avec cette période du cinéma militant. Quatrième piste, un changement peut-être dans les attentes et les préoccupations des spectateurs. C'est dans un ouvrage qui a été publié en 1984 aux éditions du Cerf que Christian Zimmer parle d'un retour de la fiction. Il repère justement au début des années 80 et qui, selon lui, je cite, « coïncide avec un reflux, un effacement progressif, celui précisément du film militant, né dans les années qui précédèrent mai 68 et qui connut approximativement son apogée et son déclin dans la décennie qui suivit. » Au fond, il faut attendre peut-être le milieu des années 90 pour assister à une résurgence conjointe. La réapparition du genre documentaire sur les écrans de cinéma et un regain d'intérêt pour les sujets sociopolitiques dans le champ du cinéma et de l'audiovisuel. Alors on pense notamment au documentaire Reprise d'Hervé Leroux qui date de 1997, mais qui a été tourné donc pendant l'été 1995, donc quelques semaines avant les grandes grèves de l'hiver 1995 contre le plan Juppé sur les retraites et la sécurité sociale, qui constitue aussi une expérience marquante d'une production audiovisuelle importante en vidéo légère, hein, cette fois-ci, sur un mouvement social. On peut se référer notamment au texte de Jean-Louis Comolli qui a très bien justement mis en avant ce travail sur les grèves filmées par les grévistes eux-mêmes. Donc on comprend effectivement que ce sont là des pistes, des hypothèses, hein, mais qui montrent que finalement baliser cette période des années 80 est problématique. Et de fait, nous avons choisi plutôt de proposer des bornes qui vont évoluer au gré des thématiques de différentes séances de l'année. Alors vous avez là le programme que vous avez sans doute aussi reçu avec l'annonce du séminaire et la séance d'aujourd'hui. Donc la séance d'aujourd'hui, on l'a dit, sera consacrée au mouvement audiovisuel d'intervention et dépôt légal du vidéogramme. La séance du mois de décembre sera consacrée aux vidéos et organisations ouvrières, notamment à travers l'expérience du collectif Unicité, proche du Parti communiste français, mais également de l'expérience de Audiovisuel et Mouvement Ouvrier, qui est une tentative justement de mettre en place, d'utiliser la vidéo par le biais des comités d'entreprise, et qui montre effectivement ce déplacement là aussi de la chronologie, puisqu'on est en 84-86, donc avec un prolongement des expériences menées dans les années 70. La séance du 3 février sera consacrée donc à vidéo en milieu psychiatrique, antipsychiatrique. La séance suivante sur intervention vidéo et action culturelle, donc notamment Thierry Nouel interviendra et présentera un certain nombre de points dans le cadre de cette séance. La séance du 7 avril sur la vidéo dans les enseignements supérieurs et artistiques. Et la séance du 5 mai, ça nous paraissait là aussi un point important, évoquer la question de la télévision. Donc on évoque là aussi ces rapports entre vidéo et télévision. Voilà pour ces quelques mots de présentation. Donc eh bien, nous sommes ravis aujourd'hui. Peut-être une précision, une chose dont on avait parlé, c'est que je crois pas que tu l'as dit, que pour ces séances, la liste des invités n'est pas figée aujourd'hui. Et que si parmi vous des personnes sont intéressées, pensent pouvoir être vraiment concernées au premier chef par un sujet ou avoir des idées de personnes intéressées, il est temps d'en parler, hein, parce qu'effectivement on a encore pour à partir de la séance en tout cas de janvier surtout des compositions de séances des invités dont la liste n'est pas complètement arrêtée. Ça reste un peu ouvert. Également, pour prolonger ce que tu dis, Alain, on va vous faire circuler une feuille de présence. Donc merci d'indiquer vos noms, prénoms et adresses électroniques. Ça permet effectivement aussi pour les personnes qui découvrent le séminaire de pouvoir être informées des séances à venir.